Le jugement, mais aussi dans, on est dans un système politique tellement fou, avec beaucoup de pression, que certains aussi gèrent le stress en prenant des substances. Mais sauf que c'est dans, et c'est ce qu'on voit sur les chiffres, 5 millions de consommateurs de cannabis, 1 million de Français qui consomment de la cocaïne au moins une fois dans l'année. Et on le sait bien maintenant, c'est dans tous les milieux, notamment sociaux, dans tous les milieux professionnels, dans le milieu de la restauration, dans les cuisines. Il y a des tas d'endroits où la cocaïne circule énormément, Elsa Fresnay. Donc en fait, c'est même pas une histoire d'élite ou de politique. Enfin, c'est l'ensemble des Français en réalité qui est concerné. Oui, mais d'abord, c'est toujours utile de, même si j'ai aucun avis sur la proposition d'Éric Piolle, mais c'est toujours utile de sortir de l'hypocrisie et de rappeler que ça touche tous les milieux pour mobiliser toute une société contre un fléau social. On l'a vu il y a quelques années sur les violences faites aux femmes, etc. Il faut pouvoir dire que ça touche tout le monde. Ensuite, on est en train de changer de dimension là sur le narcotrafic. Et avant, il y a des victimes du narcotrafic, mais c'est d'abord un business et qui attaque l'Europe. Les États-Unis ne se remettent toujours pas du fentanyl qui est un problème de santé publique. On sait que les narcotrafiquants ciblent l'Europe. Il y a des rapports qui ont dit qu'il y a des pays européens qui sont devenus des narco-États. Donc c'est une mobilisation de toute la société, mais il faudrait une mobilisation de tous les pays membres de l'Europe, parce que c'est un véritable business international avec beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêts et beaucoup de victimes. Sur la drogue aussi, mais l'alcool, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par des confrères sur la buvette de l'Assemblée. Alors, je ne sais pas si c'est des journalistes, parce qu'on mange que des quiches, mais celle de... Non, et des crudités. Des assiettes de crudités. Exactement. Ça, c'était avant. Pas tant que vous n'êtes pas allé, Jean-Rémy. Ou des paniers. Celle des députés, où on sait, il y a eu quelques enquêtes, où des députés parfois étaient sous, où il y a eu parfois un peu trop d'ambiance dans cette buvette de l'Assemblée, et que les personnes qui servent les députés racontaient de manière anonyme qu'ils servaient de plus en plus d'alcool, notamment lors des séances nocturnes. Donc c'est vrai que ça peut être un fléau, la drogue, l'alcool. Aussi, mais on est dans un pays où l'alcool est légal, évidemment. Mais avec modération. Et surtout que l'alcool est parfois considéré comme une sorte de coutume, où c'est sympa de boire un verre entre nous, mais on voit que les élites, et donc les élites politiques, peuvent être concernées par ce fléau de l'alcool, mais aussi de la drogue. Allez les informer, on va regarder les unes. Merci beaucoup pour cette heure de débat. On regarde les unes tous ensemble. Emilio Mellet, à la une de l'Humanité demain. À la une de l'Humanité, évidemment, la censure et le budget, en fallait-il un à tout prix? Question posée donc à la une de l'Humain. À la une des Échos, Elsa. Trump et Musk à l'assaut de l'administration américaine. Et une enquête sur l'acier français, dernière chance avant extinction. À lire dans les Échos. Thomas Souli à la une du Parisien aujourd'hui en France. Je ne sais pas encore parce qu'on est en train de voir je peux vous dire qu'il y aura une interview de Rachida Dati demain qui sort de son silence qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, qui se confie à la fois sur son ministère la culture, mais aussi sur Paris, elle qui est donnée favorite pour les prochaines municipales. C'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Et puis Sylvie Pierre Brossolette, on sait la une du Point cette semaine? Ah non, c'est encore celle de la semaine dernière. On est secret, tous les deux. Trump va-t-il nous écraser? On y a partiellement répondu ce soir. Merci à tous les quatre. Aurélie, on se retrouve demain? Bien sûr, dans votre 18-20. Avec 18h30, votre interview politique et les informés qui reviennent demain matin avec Renaud Dely et Jérôme Chapuis. Jeanne et François étaient enseignants. À leur retraite, ils ont voyagé aux quatre coins du monde. Mais leur plus beau souvenir sera d'avoir aidé 700 chercheurs à lutter contre la maladie. À l'Institut du cerveau, il n'y a pas que les chercheurs qui font avancer la recherche. Contre Alzheimer, Parkinson ou les AVC, vous aussi, faites un leg à l'Institut du cerveau. Demandez notre brochure au 01 57 27 41 41 ou sur leg.institutducerveau.fr. France Info Météo, avec Vérissure et sa nouvelle alarme avec serrure connectée. Renforcez dès maintenant la sécurité de votre foyer sur Vérissure.fr. Élodie Calac, la météo des prochaines heures. Encore calme demain. Ce soir, une dégradation nuageuse gagne le nord-ouest avec tout juste quelques pluies. Demain matin, elle s'étendra des Pays de la Loire et des Charentes vers les Ardennes avec un petit risque de verglas vers Champagne-Ardennes. Des éclaircies se dessineront de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Plus au sud, le soleil s'imposera, mais il sera retardé par des nuages bas et des brouillards du sud-ouest vers le nord-est et le Lyonnais. Les gelées concerneront toujours le sud et l'est du pays. L'après-midi, le soleil dominera largement au sud. Il fera 8 à 14 degrés, jusqu'à 18 en Méditerranée. Plus au nord, beaucoup de nuages, de belles belles éclaircies tout de même de la Bretagne et de la Vendée vers les Hauts-de-France. Une petite averse vers la Bretagne. Il fera 6 à 10 degrés et jusqu'à 12 sur la Bretagne et l'ouest de la Normandie. Merci beaucoup Élodie Calac. Il est très précisément 21h et je vous laisse en compagnie de Julien Langlais. Bonsoir Julien. Bonsoir Jean-Émy Baudot. Bonsoir également à Aurélie Herbemont. Les informés reviennent demain soir, bien sûr, même heure, même endroit. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit au programme de cette première demi-heure. Nous irons en Suède après cette fusillade qui a fait une dizaine de morts. C'est la pire tuerie de masse de l'histoire du pays, a dit ce soir le Premier ministre suédois. Nous serons donc sur place dans quelques minutes. Et puis du football, bien sûr, à suivre ce soir les huitièmes de finale de la Coupe de France. Séance de tir au but qui va débuter entre Lille et Dunkerque en ce moment même. Et puis nous suivrons en direct le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse du Mans. Voilà, l'Ukraine également au programme. La Chine aussi qui riposte aux États-Unis. Bref, beaucoup de choses. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, les 21h. France Info, 21h minuit. Julien Langlais. Et on retrouve Benjamin Recouvreur. Le roi de Suède partage sa tristesse et sa consternation après la fusillade qui a fait une dizaine de morts dans un centre d'enseignement pour adultes aujourd'hui à Örebro, ville située dans le centre du pays. Le premier ministre suédois a lui déploré la pire tuerie de masse dans l'histoire de la Suède. La Chine annonce aujourd'hui augmenter des droits de douane sur certains produits américains, notamment des produits énergétiques. Représailles aux hausses similaires décidées par le président américain Donald Trump. Pékin dit se préparer par ailleurs à des négociations avec Washington pour éviter une guerre commerciale. Emmanuel Macron dément toute entente ou connivence avec qui que ce soit après les nouvelles révélations aujourd'hui de Radio France sur Nestlé Waters. Elle pointe un lobbying important du groupe directement auprès de l'État pour pouvoir continuer à filtrer illégalement ces eaux minérales contaminées. L'affaire secoue le monde politique. Laurence Méride, à gauche, notamment les députés se mobilisent et réclament la vérité. Quand la chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, annonce saisir la justice, le député LFI, Adrien Clouet, dénonce un scandale d'État. C'est un scandale d'État. On a une grande entreprise de l'eau en bouteille qui obtient des passe-droits au niveau de l'Élysée, quand même, au niveau suprême de la République. Tout cela vient nous rappeler que les grands groupes privés de l'agroalimentaire sont des dangers pour l'humanité. Ce sont des groupes qui sont prêts à tout pour faire du profit, y compris empoisonner les gens qui consomment leur eau. Chez les écologistes, Léa Balagel-Mariki demande, elle, la création d'une loi pour interdire le lobbying. Arrêtez de faire en sorte que les lobbies et l'État aient autant de connivence, autant de liens entre eux. Il faut une loi de séparation des lobbies et de l'État. Et il faut faire la lumière sur tout ce qui s'est passé autour de cette eau qui était contaminée. Le lobbying devenu monnaie courante depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, selon le député RN Laurent Jacobelli. Face à cette pratique, le gouvernement doit faire preuve de responsabilité. Philippe Gosselin, député LR. C'est pas en soi, me semble-t-il, le lobbying qui est gênant. C'est la façon dont on se laisse éventuellement happer par le lobbying en perdant tout discernement. Parmi les députés macronistes interrogés, beaucoup préfèrent éviter d'aborder l'affaire Nestlé. Laurence Méride, service politique de France Info. Ce sont finalement 5 policiers qui ont été légèrement blessés aujourd'hui devant la préfecture de police de Paris. Un homme les a agressés avec un bout de verre et a tenté de s'emparer de l'arme d'un des agents. Il a rapidement été maîtrisé et interpellé. Ses motivations restent inconnues à ce stade. Un emploi sera proposé à chaque salarié de la fonderie de Bretagne en cas de fermeture du site, assure aujourd'hui le directeur général de Renault, Luca De Meo. Cette ancienne filiale du constructeur automobile emploie 350 personnes. Elle est en redressement judiciaire depuis fin janvier. Enfin, il y a la Coupe de France. Ce soir, Julien, vous en parliez. 3 premiers huitièmes de finale dans 10 minutes. Le Mans défie le PSG. 2 autres matchs. Brest s'est imposé à 3, 2 buts à 1 et une séance de tir au but en cours à Lille. Lille qui reçoit Dunkerque. Il y avait un but partout à la fin du temps réglementaire. Merci beaucoup Benjamin Recouvreur. Ma direction, la Suède bien sûr, pour débuter avec cette fusillade qui a donc fait une dizaine de morts dans un centre d'enseignement pour adultes à Örebro, dans le centre du pays. C'est la pire tuerie de masse de l'histoire du pays, a déclaré ce soir le Premier ministre Ulf Kristersson. Beaucoup de questions restent sans réponse, c'est ce qu'il a ajouté lors d'une conférence de presse. On va retrouver Ottilia Ferré en Suède pour France Info. Vous êtes notre correspondante. D'abord, que sait-on ce soir à l'heure qu'il est des faits, Ottilia? Ce qu'on sait, c'est que l'alerte avait été donnée à 12h30 ce mardi. La police avait d'abord fait mention de 5 blessés avant d'annoncer un nouveau bilan qui faisait état cette fois-ci d'une dizaine de morts. Le chiffre exact, il n'est pas encore communiqué car il est sûrement et malheureusement évolutif. Certains blessés seraient encore dans un état critique. Les victimes auraient été tuées à l'intérieur du bâtiment, à l'intérieur de l'école. On ne connaît pas non plus pour l'heure l'identité ou l'âge de ces victimes. Plusieurs proches sont actuellement rassemblés à l'hôpital. Est-ce qu'on en sait plus, Otilia, sur l'auteur de cette tuerie, la pire tuerie de masse de l'histoire, a dit le Premier ministre ? Alors, à l'heure actuelle, on ne sait pas grand-chose sur l'auteur présumé de cette fusillade, mis à part qu'il fait partie des victimes. La police a déclaré qu'il n'était pas connu de leur service et qu'il avait visiblement aucun lien avec un quelconque grand gang criminel. Mais on ne connaît pas son identité. Il s'agirait d'un homme qui aurait agi seul. Les autorités n'excluent pas que d'autres personnes soient impliquées. Les motivations qui se cachent derrière cet acte sont elles aussi pour l'heure encore inconnues. Il nous manque, voilà, pour l'heure des réponses, ne spéculons pas, disait dans la soirée le Premier ministre lors de la conférence de presse. Alors j'imagine, Otilia, l'émotion dans le pays, dans toute la Suède après cette dramatique fusillade. Oui, comme vous venez de le dire, le Premier ministre avait affirmé qu'il s'agissait de la pire fusillade de masse de l'histoire de la Suède, que l'impensable était arrivé. Il a présenté ses condoléances aux familles, chose que le roi de Suède a également fait. Sur les lieux de cette fusillade ce soir, on peut voir des Suédois rassemblés, allumer des bougies. C'est indiscutablement un choc pour la Suède qui essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Otilia Ferré, en direct depuis la Suède. Pour France Info, et vous l'avez rappelé, le roi de Suède a fait part de son émotion, sa tristesse, sa consternation. Ce soir, dit-il, nous adressons nos condoléances aux familles et aux amis des personnes décédées. Nos pensées vont également aux blessés et à leurs familles, ainsi qu'aux autres personnes touchées, a déclaré le roi dans un communiqué publié par le Palais Royal. Alors que le Sénat en France vient d'adopter une proposition de loi pour lutter contre le narcotrafic, avec notamment la création d'un parquet anticriminalité spécialisé, le collectif Marseillais Trop Jeune pour Mourir alerte sur la sécurité des écoles situées à proximité des points de deal. Avant-hier, un homme a été abattu près de l'école de la cité de la Caillole, dans le 9e arrondissement de Marseille, où vous vous êtes rendu pour France Info, Mathilde Vinceneux. C'est à quelques mètres du portail de l'école que la victime s'est effondrée dimanche soir, racontent les parents d'élèves. Dans ce quartier aux portes des Calanques, les fusillades se multiplient depuis 2 ans et rares sont ceux à oser s'exprimer. Cette maman a voulu que l'on modifie sa voix. Sa petite dernière est scolarisée ici en CM2 et c'est en classe qu'elle a entendu parler des coups de feu. Quand elle est sortie, elle m'a dit « il y a eu encore un règlement de compte ». Elle a peur. 10 ans, elle se dit on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. Elle est consciente du danger, elle est consciente que les balles tuent. On vit avec et on subit. Et mes enfants veulent déménager. Déménager ou changer les enfants d'école, ma femme y a pensé, confie ce papa, car malgré les patrouilles policières, les dealers restent tout proches. Quand le point de deal est actif, c'est la rue qui est collée à l'école. Là, la semaine dernière, à 17h, ils étaient là. Voilà, donc quasiment à la sortie d'école. Et l'école de la cité de la Caillole n'est pas la seule impactée par les trafics. Dans le quartier de Saint-Mauron, 3e arrondissement de Marseille, les patrouilles de police ont aussi été renforcées. Les dealers sont sur le chemin de l'école. Dans cette école, il a été expliqué souvent que les professeurs se faisaient contrôler quand ils allaient sur leur lieu de travail. Contrôlé par les dealers sur place qui faisaient ouvrir les sacs. Hassan Amou, il est le fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir. Il appelle à sécuriser durablement les établissements scolaires marseillais. Ce qu'on demande, nous, aujourd'hui, au préfet de police et aussi à l'État et à nos politiques, c'est justement de renforcer les dispositifs dissuasifs aux abords de l'école, d'y mettre de la lumière, pourquoi pas de la caméra vidéo de surveillance, mais faire en sorte à ce que l'école ne soit plus un accès ouvert aux quatre vents, permettant au trafic de drogue soit de s'y mettre à côté, soit de faire leurs affaires dans la pénombre derrière ces écoles. C'est bien souvent le cas. Le fondateur du collectif Trop Jeune pour Mourir explique qu'il sera reçu jeudi par la préfecture de police, une réunion prévue de longue date au cours de laquelle il compte insister sur la sécurité des écoles. Mathilde Vinceneux à Marseille pour France Info. Et oui, il y a du football ce soir, la Coupe de France, le début des huitièmes de finale. Brest s'est déjà qualifié pour les quarts en battant 3 aujourd'hui sur le score de 2-1. Il y a une séance de tir au but de folie en ce moment même du côté de Lille au stade Pierre-Mauroy entre Lille et Dunkerque, club de Ligue 2. Dunkerque a l'occasion dans quelques secondes de prendre l'avantage dans cette deuxième série de 5 tirs au but. Et puis dans quelques instants, le Paris Saint-Germain va tenter de passer ce cap des huitièmes de finale sur la pelouse du Mans, club de National où nous attend Julien Froment. Bonsoir à vous Julien. Bonsoir Julien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce stade de... comment ça se passe? Allez-y. Ça se passe qu'il va y avoir le coup d'envoi dans quelques instants, coup d'envoi à 21h10, donc entre le Paris Saint-Germain qui se déplace du côté du stade Marie-Marvin pour affronter Le Mans, actuellement en National 1 et l'équivalent de la 3ème division. Le Mans qui est 6ème de son championnat, dans un stade, vous entendez, assez bruyant, le speaker qui donne de la voix pour encourager bien son équipe devant 25 000 personnes. Stade vraiment plein à craquer pour la réception du PSG. Le PSG qui a un petit peu fait tourner son effectif. Hein. Juste un mot, hein, Julien, mais Dunkerque vient de se qualifier pour les quarts de finale en s'imposant dans le derby du Nord face à Lille, sur la pelouse de Lille, après une séance de tir au but dantesque et un match incroyable, parce que les Lillois ont eu un nombre incalculable d'occasions. Ils ont mené longtemps 1-0 avant de se faire rejoindre dans les tout derniers instants. Et donc Dunkerque, eh bien, se qualifie pour les quarts de finale. C'est un premier exploit majeur dans ces huitièmes. Oui, cette équipe de Dunkerque est assez coutumière du fait, hein, puisque en plus de faire une excellente saison en Ligue 2 et de jouer les premiers rôles, hein, pour la montée, si je ne dis pas de bêtises, Dunkerque avait éliminé Auxerre lors d'un tour précédent. Une équipe notamment avec Dembaba en tant que directeur sportif, ancien joueur passé notamment par Chelsea. Revenons-en à ce match du PSG. Bien sûr, mais il fallait que je vous donne l'information. Mais c'est bien évidemment, non, c'est un bel exploit. Bravo aux Dunkerquois. Et là, les morceaux qui vont rêver justement ce soir, peut-être d'un exploit face à ce Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, il faut bien le dire, qui en ce moment est imbattable. Un Paris Saint-Germain qui va faire tourner un petit peu son effectif, hein, quand même, parce que on va dire que le menu est gargantuesque pour les joueurs de Luis Enrique, alors que le coup d'envoi vient d'être donné justement par les Parisiens. Et en termes de changement, eh bien, notamment la titularisation dans les buts du gardien Matvei Safonov, le russe, ou encore parmi les joueurs rarement titulaires, Yoram Zague, le jeune latéral formé au club, ou encore Seni Mayulu, également le joueur formé au Paris Saint-Germain, qui débute cette partie pour le Paris Saint-Germain du côté du Mans. On surveillera notamment le jeune Robillard, qui a évolué notamment du côté de l'Olympique de Marseille et qui sera à la pointe de cette attaque mancelle pour essayer bien de réaliser un exploit ce soir. 0-0, une petite minute de jeu dans un stade chaud bouillant et des supporters Manceau, eh bien, qui espèrent un exploit. Que là, justement, il y a peut-être une première opportunité pour Le Mans, le centre de la surface de réparation. Il s'est dégagé finalement parce qu'un drapeau s'était levé, position de hors-jeu. 0-0. Ne partez pas si vite. Allez-y, continuez, Julien. Eh bien, restons-nous du coup dans stade Marie-Marvin entre le Mans FC et le Paris Saint-Germain des Parisiens, on vous l'a dit, hein, qui vont avoir un.